chercher pour aller à la plage. Amour, cherche un bikini ou ma planche de bain pour aller à la plage. Tout avantage que les cajouins à la nage. Comme la bonne passe à nager, il fait la planche même la forcer. Mais pour ça que passer ton air, mon pas qu'à expliquer. Ou pas besoin faire régime pour capable de vivre sexy. Garçon très les haïtiens, y'aurait mes femmes. Oh la la, sur le lit ou à la plage, ça paye un peu du long. Les femmes y'ont presque noyé. Femmes haïtiennes sont ma nouvelle corps. C'est nous-mêmes garçons qui pourront.